Il est 2h30 du matin. Je reviens du restaurant où je travaille. De 11h à 15h, puis de 18h du soir à 2h du matin, je lave des assiettes. Le chef cuisinier, la soixantaine, est italien. Il est très gentil avec moi. Il m'offre toujours quelque chose de bon à manger, mais il arrive que je manque d'appétit. Une fois, il m'a demandé en souriant « Pourquoi ?» J'ai répondu « Il morale non va. » Le moral ne va pas. Lui et les autres compagnons de cuisine, un Chinois, un Égyptien et une Albanaise, ont ri dans le but de me détendre. Voilà pourquoi, quand ils constatent que je ne mange pas, ils m'interpellent par amicale plaisanterie. « Morale !» Je secoue affirmativement la tête, tout en souriant, pour ne pas faire peser sur eux mon chagrin. Souvent, pour ne pas dire tous les jours, je constate avec tristesse la quantité de nourriture qui reste dans les assiettes que je dois laver. Tant de bons et précieux aliments que les clients, rassasiés, dédaignent et que je dois jeter à la poubelle. Et tant de bons restes de viande ou de poisson qu'un voisin récupère tous les soirs pour son chien et son chat. En voyant ce gâchis, ma pensée va automatiquement à tous ceux que j'ai vus, dans notre pays, manquer même d'une miette de pain. Et même ici, dans la ville, j'ai vu des personnes qui manquaient de nourriture. Alors, mon estomac se bloque. Je continue à jeter ici ce qui ailleurs ferait vivre, tandis que me parviennent, de la salle du restaurant, le brouhaha satisfait des convives et leurs éclats de rire. Seulement 2 heures d'avion séparent les repus des affamés. Quelquefois, une toute petite distance de quelques minutes. Des questions m'envahissent. Sont-ils sur la même terre, les uns et les autres? N'est-elle pas étrange, très étrange, cette partie de l'espèce humaine, tellement différente de l'autre partie, qu'un martien croirait, en se déplaçant de l'une à l'autre, être sur 2 planètes distinctes. Revenons au tourisme. Suivez le guide. La principale avenue, qui part du Colisée, s'appelle Via dei Fori Imperiali, voie des forums impériaux. Elle est jalonnée de statues d'empereurs. Cependant, la digestion des charmants et insoucieux pigeons les ont plutôt salis. Néanmoins, les gens de passage admirent la majesté impériale sculptée dans le marbre. Ils ne voient qu'elle, la majesté, c'est-à-dire le pouvoir sur les autres, sur ceux qui regardent avec une tremblante vénération la puissance qui les domine. Là aussi, en contemplant les visages extasiés des touristes, je me suis interrogé. Devant ces Césars, hautains, bombant le torse, le crâne couronné de lauriers, ces touristes sont-ils capables de songer au crime qui leur ont permis de parader comme œuvre de pierre sur ce boulevard qui proclame leur position altière? Bah, décidément, l'extra-communautaire que je suis n'est même pas capable d'être un bon touriste. On pourrait donc aussi m'appeler un extra-touriste. J'ai alors cherché des statues d'esclaves célèbres. Normal qu'un extra-communautaire s'intéresse à d'autres extra-communautaires de l'Antiquité. Par exemple, un homme qui me plaît beaucoup, un qui était lui aussi, un EC, Spartacus. Rien, aucune trace. Comme je suis têtu, ou plutôt optimiste de caractère, j'ai voulu vérifier si au moins une rue existe, portant son nom. Oh joie, je l'ai trouvé. Devinez où? Dans la périphérie, dortoir. Logique, non? Les patrons d'hier, parmi les patrons d'aujourd'hui, au centre-ville touristique, rutilant et joli, et les esclaves d'hier, avec les esclaves d'aujourd'hui, dans la banlieue sale, pauvre et avilie. Mais c'est déjà pas mal, c'est de voir une certaine reconnaissance au plus illustre des EC antiques. C'est là un signe d'un certain progrès de l'humanité. Ces réflexions, naturellement, j'en fais part seulement à vous, parce que, si je les exprimais ici, à haute voix, je risquerais de me faire ainsi traiter. Hey, connard extra-communautaire, t'es là seulement comme invité, pigé. Si t'es pas content, retourne dans ton trou d'origine. S'ils étaient français, ils diraient bled, douar, gourbi, smala, ou peut-être savane ou jungle. C'est normal, pour ainsi dire. Par exemple, Jean Valjean, même devenu le père Madeleine, qui transforma une petite ville en un centre prospère, même recevant l'honneur d'être proposé et élu monsieur le maire, resta toujours, aux yeux de l'opinion dominante, un galérien, un forçat, le voleur d'un morceau de pain. Et les gens des ex-colonies, même devenus citoyens du pays d'accueil, même haussés au rang de ministres de la République, demeurent des sauvages, tout juste capables d'apprécier une banane. Le cerveau des fabricants d'opinion et de ceux qui adoptent cette vision a encore besoin d'amélioration. Cependant, moi j'aime cette ville, Rome, en pensant à certains esprits qui l'habitent. En voici quelques-uns. Spartacus, dont j'ai déjà parlé, l'analphabète, immigré par force, réduit en esclavage, parvint à former une armée d'esclaves. Elle fit trembler l'arrogance impériale romaine. Ce fut la plus exemplaire révolte d'opprimés dans le monde. Brutus, indifférent aux privilèges de membres de la famille impériale, mit fin au dictateur abusif, bien qu'il fût son père adoptif. Michelangelo, Michel-Ange, rétribué pour peindre le paradis, y plaça des gens d'une splendide nudité, contraignant son commanditaire, le pape, à cacher, avec des feuilles de vigne, ce qu'il n'aurait su voir, comme disait Tartuffe. Giordano Bruno, bien que vivant en une période d'obscurité intellectuelle haineuse, semblable à celle que traverse notre pays en ce moment, eut le courage d'exprimer publiquement sa pensée. Il mit en doute la version biblique de la centralité de la planète Terre dans le système solaire. Contraint à l'abjuration, il a maintenu sa conviction, préférant l'éclat de la scientifique vérité aux souffrances du bûcher auquel il fut condamné. J'aime également une chanson populaire. Elle parle d'une espèce de EC, lui aussi, mais italien. Titre de la chanson « Barcarolo Romano », conducteur de barque romain. Ce n'est pas uniquement une chanson romaine, c'est un chant du monde. On y célèbre la barque de la vie, le fleuve du temps, et la malchance d'aller à contre-courant. Si vous me promettez de ne pas trop vous attrister, je vous enverrai la chanson et sa traduction. À propos de cet homme conduisant une barque, les gens d'ici s'apitoient en l'appelant « Povero Cristo », « Pauvre Christ ». Concernant ce thème, je dois vous dire que Rome est pleine d'églises. Églises, églises, partout des églises. Impossible de regarder quelque part sans avoir dans les yeux une église. Quelquefois même plusieurs dans une seule rue. On m'a dit que les autorités d'alors étaient tellement convaincues de la carence de foi du peuple qu'elles ont multiplié jusqu'à l'outrance la construction de ces édifices. Néanmoins, le peuple, intelligemment malin, a inventé l'expression « A Roma si fa la fede, ma fuorici si crede ». À Rome, on fabrique la foi, mais en dehors, on y croit. Rome a des mystères spécifiques. Par exemple, la présence d'un ange dans la chambre des députés. Cela peut vous faire rire, mais l'une des présidentes de cette institution l'a affirmé avec le plus grand sérieux, et les journaux ont confirmé sa déclaration. En admettant la vision singulière de cette personne, je crois qu'elle est antidémocratique, vu que cet ange n'a été élu par personne. Comme vous le constatez, ce n'est pas seulement en Algérie que l'on croit voir des anges. Voici un autre mystère de la ville. On peut admirer au centre les plus beaux palais que le bon génie humain a créés. Dans la périphérie, au contraire, vous serez tout à fait dégoûté par les plus laides constructions que la médiocrité des administrateurs a implantée. On dit que là est intervenu un autre ange, un mauvais, dénommé Paladinaro. C'est un mot qui indique péjorativement un constructeur d'immeubles, dit populaire. Ces bâtiments lugubres, plus exactement ces cages à poules, destinées à loger des êtres humains, ont permis l'apparition, non de la Madone, mais de Akatone, le voyou proxénète, et de Mama Roma, la prostituée. Ces deux films m'ont tellement ému. Ils m'ont rappelé la misère de chez nous et m'ont convaincu que Les Misérables de Victor Hugo et de Charles Dickens existent encore et partout. Ces films racontent les histoires malheureuses, non pas de essais venus de l'étranger, mais de la périphérie même de la capitale. Ils partagent avec nous un défaut identique, la misère matérielle et sa conséquence, le dénuement culturel. La fin d'Akatone m'a profondément marqué. Quand le jeune héros meurt, écrasé par une voiture, son dernier mot est « Finalmente, finalement ». Il était soulagé de mourir pour échapper à l'enfer qu'était sa vie. Il n'y a donc pas que des immigrés qui souffrent, mais aussi des gens nés ici. Malheureusement, les riches mettent en concurrence les pauvres d'ici et d'ailleurs pour tirer profit de leurs adversités. Classique guerre entre pauvres, au bénéfice de qui les exploite. Et comble de malchance, les pauvres sont trop pauvres pour comprendre ce dont ils ont besoin. Ne pas se haïr réciproquement, mais s'entraider. Je vous cite un exemple. Voilà quelques jours, je rentrais chez moi, vers 2h30 du matin. Glacial était le vent de l'hiver. Sous les portiques de mon immeuble, j'ai vu deux hommes, enroulés dans des cartons, allongés par terre. Ils étaient très proches l'un de l'autre, sans doute pour se réchauffer mutuellement. Je me suis calmement approché d'eux. Ils eurent un mouvement d'inquiétude. C'est normal, ai-je pensé. La ville est une jungle où l'homme est un loup pour son semblable. Alors, amicalement, je leur ai souri. Par chance, ils se sont tranquillisés. J'en fus encouragé, je me suis agenouillé près d'eux. L'un était originaire d'Afrique subsaharienne, l'autre italien. La misère n'a donc pas de nationalité, et quelquefois, trop rarement, hélas, elle possède la vertu de rassembler. Oh, si tous les malheureux du monde se solidarisaient! Alors oui, le bonheur, devenant un bien commun, existerait vraiment pour chacun. Dans mon immeuble, ai-je déclaré aux deux infortunés, au rez-de-chaussée se trouve une petite chambre de concierge. Elle est inoccupée. Je vous propose d'aller y dormir, puis de la quitter très tôt le matin sans être aperçu. Les habitants de ce bâtiment ne seraient pas contents de vous voir ici. » Les deux malheureux hésitèrent, ils ne parvenaient pas à croire à une telle générosité. Dans leur regard, la méfiance combattait la confiance. Cela ne m'étonna pas. Si j'avais été dans leur situation, j'aurais eu la même réaction. J'ai insisté. Avec tact, ils vinrent avec moi. Après les avoir installés à l'abri du dangereux froid, je suis entré chez moi. Ma conscience était soulagée. Néanmoins, dans mon lit, mon esprit resta occupé par des réflexions douloureuses. J'aurais pu être l'un de ces hommes sans domicile. Ils auraient pu être mon père ou mon frère. En tout cas, nous étions tous les trois d'une même famille. Celle des êtres humains. Comment puis-je vivre dans un immeuble parmi des gens auxquels je dois cacher d'avoir offert l'hospitalité d'un petit espace non utilisé à des personnes qui, autrement, risquaient de mourir de froid? Comment me confier au sommeil alors que je n'ai pas eu le courage d'offrir cette même hospitalité dans un lieu plus adéquat, ma chambre même, craignant d'avoir des problèmes avec mes voisins? Ne suis-je pas en train de devenir comme la plupart des gens, dominé par la peur et par mon intérêt personnel, au détriment des autres. » Je ne disposais pas de réponse satisfaisante. Cette incapacité interdisait au sommeil de me procurer le repos dont j'avais besoin. J'ai tenté de me tranquilliser en pensant que les deux hommes en ce moment dormaient dans un abri adéquat. Oui, mais demain soir, je me suis résolue à trouver le moyen de les faire dormir toutes les nuits au même endroit. Et, peut-être, si nous devenions amis, dans ma chambre, l'espace est petit, mais suffisant. Le lendemain, au retour du travail, la nuit, ils n'étaient pas là, ni les nuits suivantes. J'ai espéré qu'ils avaient trouvé un meilleur refuge. Je reviens au Palazzinaro, l'ange maléfique, ou plutôt le démon. En plus de l'argent gagné, il s'est offert le plaisir de jouer au spirituel. Voici des exemples. L'un des horribles quartiers de périphérie a été nommé Centocelle, 100 cellules. Quel culot, n'est-ce pas? Et la dégueulasse avenue principale s'appelle Via della Primavera, rue du printemps. Rien de moins. C'est constater à quel point l'arrogance se moque de l'indigence. Et je suis dans le monde qui se dit civilisé. Cela m'a porté à croire que la civilisation s'arrête là où domine l'appât de l'argent. Je dois aussi vous parler de choses belles, c'est plus agréable. Vous savez que j'ai toujours aimé l'histoire passée, parce qu'elle fait tant défaut et parce qu'elle est si méconnue en Algérie. Ce pays a été victime de trop d'envahisseurs destructeurs et trop peu d'autochtones ont laissé des traces. Voici pourquoi à Rome, dans certaines parties de la ville, notamment au centre historique, la vue de ruines qui datent de plus de 2000 ans me bouleverse et les toucher me donne le vertige. Comment l'éviter quand ma pensée s'emballe en imaginant tout ce que le passé a contenu de vies humaines et d'événements attestés par ces pierres, quand la même pensée me dit que je suis, avec ma modeste et courte existence, l'un des chaînons de ce flux continuel, quand je satisfais un besoin toujours inassouvi, faire partie de l'humanité, de son passé, et le sentir comme une plante hume ses racines. L'intelligence des gestionnaires de la ville a permis de conserver certaines voies de communication, encore pavées par des dalles antiques ou des pierres du Moyen-Âge. J'y marche avec l'ivresse d'entrevoir les pas des hommes et des femmes qui m'ont précédé au siècle passé. Certains venaient, eux aussi, du pays que j'ai quitté. La plupart étaient des esclaves, et je souris de compassion si quelques descendants de ces asservis, mais de nom et de nationalité italien, dans l'ignorance de sa descendance, se croient supérieurs en jouant aux racistes anti-immigrés. C'est vrai que sa pauvreté ne lui a pas permis d'étudier pour connaître la folichonne loi de l'hérédité. À présent, le vent migratoire a pris une direction opposée. C'est moi, fils de Numides ou de Sarrasins, ou encore de leur mélange, mais peut-être aussi descendant de quelques Romains qui s'étaient établis en un lointain passé sur la terre de ma naissance. C'est moi donc qui viens à Rome. Mais je ne suis pas venu, moi, comme envahisseur, spadassin ou voleur. Et ce que je veux, ce ne sont pas les épices, les terres à coloniser et l'or, en semant chez les indigènes le malheur. Je cherche seulement un travail, et éventuellement une école pour mes futurs enfants, avec l'espoir qu'en cette ville existent des enseignants dignes de sa civilisation passée. Elle a donné au monde, entre autres, le savant Galileo Galilei, l'artiste et savant Leonardo da Vinci, le poète Dante Alighieri et le libertaire Malatesta. Ce dernier nom est comique, car ce Malatesta, mauvaise tête, avait un très bon cerveau, tout entier consacré à rendre le monde plus beau. Malheureusement, ce peuple, parmi lequel je vis, à accepter que ses dirigeants manifestent également un aspect barbare. Trois exemples suffisent. Sur une très belle place de la ville, faite pour la poésie, et poétiquement appelée Campo dei Fiori, champ des fleurs, fut brûlé vif, à cause de ses idées libératrices, Giordano Bruno, que j'ai déjà évoqué. À Florence, Girolamo Savonarola institua une dictature théocratique, semblable à celle que certains veulent établir en Algérie. Elle amena ce soi-disant « illuminé » qui ignorait de jouer avec ce qualificatif à brûler les livres et les œuvres d'art, pour finir par subir le même sort. Enfin, Antonio Gramsci, c'était un homme totalement dévoué aux humiliés. Il fut jeté en prison pour le reste de sa vie, pour éliminer sa pensée, a déclaré son infâme bourreau, Benito Mussolini. Il imposa à ce beau pays qu'est l'Italie ce qui fut sa honte, le fascisme, lequel inspira cette honte encore plus honteuse, le nazisme. J'en arrive à quelque chose qui me fait le plus de peine. À Rome, trop de personnes instruites qui se font appeler de gauche, socialistes ou même communistes déclarent me vouloir du bien. En réalité, j'ai découvert qu'ils ne font que m'utiliser dans leur jeu favori, conquérir un fauteuil administratif ou, l'ayant déjà, augmenter leur compte bancaire. Par exemple, dernièrement, dans mon quartier de l'Esquilino, ils ont voulu créer une librairie spécialisée dans les problèmes d'immigration à destination des immigrés. J'ai noté que ces promoteurs ne mettaient pas leur argent dans ce projet. Ils demandaient aux institutions étatiques de leur accorder un local et une subvention. J'ai constaté que tous ceux qui composaient le comité promoteur étaient des Italiens. Pas un seul immigré ne se trouvait parmi eux. Pourtant, des intellectuels immigrés existent et sont connus dans la ville et dans le quartier. Quelque temps plus tard, les mêmes Italiens ont voulu créer une maison des cultures du monde. Là également, ils ont réclamé des subventions gouvernementales. Et encore une fois, ils n'avaient invité pas un seul immigré à faire partie de leur comité. À une réunion de ces autoproclamés « amis » des immigrés, j'ai fait la remarque sur l'absence d'immigrés parmi eux et j'en ai demandé le motif. On ne répondit pas à ma question. Depuis lors, je ne fus plus invité à d'autres réunions. J'ai compris que j'étais là uniquement pour applaudir et justifier que des autochtones, soi-disant camarades, s'enrichissent et recueillent des honneurs. Depuis lors aussi, ces dames et messieurs m'ont ignoré, même dans la rue, ils m'évitaient. Pour eux, j'étais devenu invisible, en somme clandestin, bien que je disposais de papiers en règle. C'est à propos de ce genre de personnes qu'a été émise le fameux proverbe « Dieu, sauve-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. » À l'opposé de ces Italiens qui se vantent de leurs idées prétendument progressistes, j'ai trouvé des chrétiens, oh, pas beaucoup, une toute petite minorité, qui pratiquent réellement la charité envers les démunis, sans distinction d'origine. Ah, capitale du Christ Sauveur, tu t'es déclaré capable d'accueillir 30 millions de pèlerins, et de telle manière qu'ils ne se sentent pas étrangers. Mais tu restes sans autre réponse que les prières devant 300 000 extra-communautaires. Jésus, Jésus, pourquoi ne reviens-tu pas sur la place Saint-Pierre pour répéter à la télévision et en mondovision, si on te le permet, que tu es, toi aussi, un extra-communautaire, un pauvre parmi les pauvres, et que tu es venu non seulement pour prier, mais aussi pour agir, et d'abord en faveur de ceux qui n'ont pas d'argent, ni de documents de séjour, ni de connaissances pour les obtenir. Mais les autorités ecclésiastiques, en dépit de leurs déclarations, peuvent-elles souhaiter réellement ta réapparition? Ne sont-elles pas dissuadées par la crainte de te voir distribuer les richesses de la basilique, aux démunis de tout, et de reprocher aux prélats leurs vêtements luxueux, tandis qu'il prêche aux fidèles d'avoir envers les pauvres un comportement respectueux. Quelques-uns m'ont reproché ces propos irrévérencieux parce que je ne suis pas catholique. Ne suffit-il pas, ai-je amicalement répliqué, d'être simplement humain pour ressentir l'injustice, surtout quand elle se cache derrière l'imposture, quelle que soit l'étiquette revendiquée. Quelle que soit l'étiquette revendiquée. J'ai précisé, en outre, l'existence de catholiques qui partagent mon opinion. Ils fréquentent non seulement une paroisse, mais tout autant les faubourgs miséreux de la ville. C'est ainsi que j'ai connu ces religieux, dont la foi est un amour réel et concret du prochain. Ils sont également venus vers moi pour m'aider, sans me demander quelle était ma conviction religieuse, sans même s'assurer si j'en avais une. Il leur a suffi d'avoir affaire à un être humain. N'est-ce pas beau, touchant, bouleversant? Retournons au temps actuel et aux choses agréables. J'habite au bord d'une place. Elle n'a pas un nom de fleur, mais d'un certain Vittorio Emanuele. J'ai appris que c'était un roi, ce genre de sangsue qui vit aux dépens des peuples. Moi, j'appelle ce lieu Piazza del Mondo, la place du monde. J'y vois de plus en plus de personnes arrivées de tous les continents, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel humain, de toutes les musiques et langues de la planète. Cela m'offre le plaisir de voyager gratuitement et en quelques minutes d'un peuple à un autre, sur la place, dans les rues, dans un restaurant ou un bar. Malheureusement, certaines de ces personnes manquent non seulement d'argent, mais aussi d'éducation. À ces infortunés, personne n'a enseigné que, dans la rue, il est impoli de cracher ou d'uriner, nocif de se saouler à mort, injuste de voler, criminel de vendre de la drogue ou de contraindre des femmes à marchander leur corps. Ces pauvres Christ disposent de trop peu de Christ pour les aider à sortir de cet enfer. Ces damnés de la terre n'ont pas assez de sauveurs laïcs pour leur permettre de sortir de l'horrible tunnel où ils errent. À leur sujet, j'ai écrit une sorte de poème qui pourrait être chanté. Le voici. Ainsi est leur monde. Ils m'ont empêché d'accéder à la splendide connaissance et me reprochent d'oublier ma lamentable ignorance. N'ayant pas d'emploi assuré, ils me jettent un mépris outré. Quand mon labeur est fatigant, ils me traitent de fainéant. Dans chaque cas, ils me haïssent et de leur haine me salissent. Quand, les imitant, je les hais, ils en restent scandalisés. Ils ne comprennent pas pourquoi je les fixe d'un air narquois. Ils me traitent alors de taré, détritus de l'humanité. Ainsi est leur monde, tristement immonde. Maintenant, je vais vous faire un peu rire. Le texte que vous venez de lire m'a été inspiré par un drôle de bonhomme. Un jour, quelqu'un le rencontra dans la rue et le traita de « chien ». Le bonhomme, sans se troubler, s'approcha de l'inopportun, leva tranquillement une jambe et sur le pied de l'autre, urina. « Pourquoi ?» s'étonna ce dernier. « Tu m'as traité de chien, j'ai alors agi envers toi, en conséquence. » L'auteur de cet exploit était Diogène, le fameux philosophe antique. J'en reviens aux autres qu'on traite, ici, pis que des chiens. Vous remarquerez que ces considérations ne concernent pas seulement les immigrés, mais aussi les autochtones, exclus du bien-être social. Si dans un panier se trouve une pomme pourrie parmi d'autres qui sont bonnes, qui serait assez fou pour l'accuser d'être la responsable de sa pourriture, ou de jeter tout le contenu en même temps qu'elle? De même, si, parmi les immigrés, sans oublier les autochtones, il existe des délinquants, est-il juste de les considérer comme étant les seuls responsables de leur comportement? Et, en refusant cette minorité, de rejeter avec elle la majorité, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'accomplir un gagne-pain, dans des conditions épouvantables, en échange d'un salaire de survie, quelquefois pas même déclaré par le patron, pour éviter les impôts. Ma main ne parvient plus à tenir le stylo. Elle a lavé trop d'assiettes, trop longtemps. Et ma caboche est trop fatiguée pour commander à la main de poursuivre l'écriture. Je continuerai demain. Maintenant, j'espère dormir en rêvant de vous, d'être ensemble autour d'une table, devant un beau couscous fumant.